21h01 à la pendule de Radio Béton. Alors on ne vient pas de prendre le direct hein, pour l'émission Hellbanger, ça fait déjà une heure qu'on est sur les ondes. Et on se quittera à 22h30, hein. Pour rappel, c'est la dernière émission de l'année 2021. Donc voilà, on se fait un petit plaisir en étant de nouveau présent en direct. Pour rappel, pas d'émission dimanche prochain, on laisse le créneau Freaky Mix pour un mix spécial en direct toute la soirée. Et ben ma foi, c'est l'heure d'attaquer l'aspect française, que l'on va ouvrir avec le retour au micro de Thibaut et un nouveau focus. Et oui, focus sur un groupe dont j'aime particulièrement le travail. Étonnamment, un groupe de black end de français, ça change de d'habitude. Complètement, c'est inattendu et original au possible. Voilà, Otargos, les Bordelais qui ont une formation qui bafouille. qui se sont formés il y a déjà 20 ans, en 2001. Une formation donc, qui a initialement commencé à faire du black metal et qui a assez rapidement dérivé vers un black teinté de death metal. On reviendra un peu plus dessus après. Un groupe qui signifie, alors je l'ignorais complètement, Otargos, c'est un mot grec qui veut dire chèvre bouc. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Un 7e album pour les Bordelais. On va faire un petit tour de leur discographie assez rapidement parce que bah, du coup j'ai pris le temps de réécouter tout ce qu'ils avaient fait. En 2005, ils nous sortent un album qui s'appelle Ten-Eyed Nemesis, qui est plutôt cool, qui est un bon album de black metal, même si moi je le trouve un peu trop classique dans ce qu'ils proposaient. Voilà, pour cette époque-là, c'est pas, quitte à aller écouter du black français, c'est pas forcément vers ce groupe-là que j'irais me pencher en priorité, mais l'album est bien. Celui qui marquera un peu plus déjà, c'est en 2007, Kinetic Zero, beaucoup plus death. On commence à sentir déjà le tournant qui va arriver dans l'album qui suit. L'album qui suit, donc 2009, Fuck God, This Is Process, une des meilleures sorties du groupe. C'est plus abouti, en tout cas, il confirme vraiment le virage qui avait été pris au moment de Kinetic Zero. Et là, celui-ci est beaucoup plus abouti, beaucoup plus carré dans ce qu'ils ont proposé. Et du coup, il fonctionne super bien. 2010, No God No Satan. Bon, clairement, c'est pas celui qui est le plus notable. Dommage pour un titre qui est aussi accrocheur, je trouve. Mais voilà, un album anecdotique dans ce qu'ils ont fait. Il est pas mauvais, pareil, mais un peu plus anecdotique. 2013, Apex Terror. Moi, c'est là où je les ai découverts. C'est vraiment l'album que j'ai préféré d'eux. C'est une période où ils se sont un petit peu rapprochés en termes de sonorité de ce que pouvait faire Behemoth sur l'album Demigod, notamment ce côté vraiment black death, hyper froid, hyper occulte. On reviendra sur le côté un peu occulte justement, mais voilà, vraiment vraiment chouette. Xenochaos, pareil, 2015 ça, et clairement je l'avais aimé à la sortie, et en vrai je l'ai réécouté là, et c'est peut-être celui qu'ils ont eu le moins inspiré comme album, je trouve. Il manquait un petit quelque chose. Et donc on arrive en 2021 avec Fleshbourer Soulflayer, un album que bah du coup, si je vous en parle, c'est que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour préciser un peu donc la thématique qui est autour du groupe, le groupe il s'articule un petit peu autour d'un délire. Alors au début ils étaient dans un délire plus classique autour des notions sataniques et tout ça dans du black metal, mais derrière ils ont dérivé assez rapidement sur tout un délire un petit peu science, physique quantique, technologique. Et moi, c'est des thèmes que j'aime particulièrement. Du coup, c'est des trucs qui me parlent assez rapidement. Et évidemment, un athéisme au sens assez fort dans leur travail. Et ils revendiquent vraiment ce côté « no God, no Satan » dans ce qu'ils proposent au cours de leurs albums. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en écoute un morceau ? Ouais. Le régisseur en chef dit qu'effectivement on peut faire un petit break dans ta riche présentation pour s'écouter le titre Blessed by Pestilence, et on reviendra ensuite sur l'aspect strictement musical dans la deuxième partie de ce focus consacré à Otargos. C'est parti. We'll be right back. Toujours à l'écoute d'Hellbanger, on vient de s'écouter le titre d'illustration du Focus en cours de présentation, puisqu'on parle actuellement du nouvel effort au studio de Otargos, la formation française. Ouais, bah pour revenir, on n'a pas parlé un petit peu du visuel, donc c'est visuel bah depuis Apex Terror, je crois. C'est le bassiste, qui, Manu, si je dis pas de bêtises, qui fait les visuels. Sur celui-ci, il y a un côté... Alors, c'est pas strictement de l'univers Giger, mais il y a une espèce de... Cet agglomérat de chair qui m'a rappelé un petit peu ce que tu peux trouver dans Giger, et je pense que j'ai mélangé ça un petit peu avec le délire mecha, notamment de la musique. Alors... Moi qui suis actuellement en train de m'enfiler, visuellement bien évidemment, toutes les versions, interprétations, relectures qui ont été faites de la série Star Trek, ça me fait penser, s'il y en a qui connaissent, s'il y en a qui suivent ou quoi, à la fusion des corps que l'on peut retrouver par la race, l'univers des Borgs, qui fonctionne par l'assimilation des corps, des cultures, etc. Parce que là c'est une espèce de fusion... complètement chaotique de plein de corps à différentes étapes de décharnement, de pourrissement. Petite anecdote, parenthèse que je clôture et je te rends la parole. Ouais, bah c'est pour ça, Giger, c'est le truc qui me venait en tête parce que bon, je suis pas un fin connaisseur en termes d'art visuel et tout ça, mais je trouvais pas s'il y avait un artiste en fait qui avait un petit peu ce délire là. Mais voilà, Giger, c'est ce qui, dans mes références, me semblait le plus proche. C'est le premier nom qui vient, c'est clair. Ouais, voilà. Puis voilà, au niveau musique, bah c'est assez étouffant, ça matraque vraiment. Moi, je kiffe vraiment ce style-là. C'est ultra froid, ça te prend aux tripes, ouais, surtout que ça t'étouffe en fait, ça te prend plus à la gorge qu'aux tripes. C'est un mur de son. Là, on s'est écouté un morceau qui, je trouve, respire justement un petit peu au début. C'est peut-être le seul moment où tu. Bouffer d'oxygène. Tu prends de l'air, tu vois, pendant le truc. Parce que sinon, bah, le reste de l'album, c'est plutôt la fin du morceau. Avec bah, cette espèce de machine de guerre derrière les fûts qui vient d'intégrer le groupe, là, je crois, en 2019, si je dis pas de bêtises, pareil. J'ai pas noté son nom, c'est Michael quelque chose. Michael Martin, tu sais, tu vois, j'avais noté. C'est ça, petit remaniement au sein de la section rythmique qui, au passage, nous vient de Exocrine et Flesh Doll, deux groupes de Brutal Death, Technical Death de la scène bordelaise. Ah ouais, bah, du coup, bienvenue, quoi. C'est vachement cool. Enchanté. C'est ça. Ça marche super bien. Moi, c'est un groupe que dire d'autre. Je trouve que c'est les solos de gratte. Je pense que ça participe au fait que ça soit pas juste abrutissant et que t'en aies marre au bout d'un moment. C'est qu'il y a les grattes et bon, le chant, il est maîtrisé de ouf aussi. Mais t'as les grattes qui viennent apporter avec des solos un peu à rallonge et tout, mais qui apportent un truc vraiment pesant. Et bah, du coup, tu retrouves avec ce délire méca, et là, notamment avec la voix un peu trafiquée qu'on entend, t'as cette espèce d'approche, tu sais, à la Meshuga, où t'es face à un truc que tu peux pas arrêter, qui est, comme tu disais, on disait en off, c'est totalitaire, quoi. Ça te, tu sens que c'est cette espèce de dystopie méca qui se déroule et que tu peux pas arrêter, en fait. C'est ça. Donc, non, encore un super bon travail, c'est clairement pas leur meilleur album. Je reste vraiment sur Apex Terror que j'avais trouvé vraiment génial, mais du très bon boulot et meilleur que l'album précédent. Voilà, les présentations sont faites et bien faites avec ce nouvel effort studio de Otargos, de nouveau disponible sur les labels nordistes Xenocorp Records. On continue l'aspect française avec une doublette, Cadaveric Fumes, l'album qui nous sort son premier et unique album à titre posthume, Echoing Chamber of Soul, all-star band de la scène extrême venue de Bretagne avec des membres de Necrorech, Venefiction, etc. Cadaveric Fumes, vous l'aurez bien compris, c'est du death, putrid death, cavern death, tout ce que vous voulez, truc bien dégoulinant. L'album est déjà dispo, on va s'écouter le titre Desolate Breed. Et dans la foulée, les vétérans du heavy français qui sont sur le retour, Titan. Ils sortent là leur second effort studio, Palingenesia. L'album est déjà disponible et on s'écoute le titre No More Gods. C'est parti. tout changer. Si l'on veut subsister, il te reste une chance. Entrer en résistance, cherche en toi le sacré. Ton chemin est tracé. Doublette suivante, toujours dans la spé française, une spé française très généreuse ce soir. Ergolae Somptator, tout d'abord, formation toulousaine de black metal plus. Mille vertiges fondent sur les âmes vides, c'est le nom de leur second effort studio. Ergolae Somptator, je sais pas si t'as peut-être un petit mot à dire, non, et ben tant pis, dans ce cas je vais me débrouiller tout seul. L'album est déjà dispo chez Code666 Records, voilà. Et là par contre tu vas peut-être avoir un petit mot à dire pour une nouveauté ce soir, Cavalerie, groupe qui nous vient de Paris, qui sort son second EP. On était passé un peu à côté de la première démo, premier EP sorti l'année dernière, et qui s'intitule Spectral Rage, qui était excellentissime, du Dark Thronecore tout simplement. Hein, les morceaux qui font moins de 2 minutes, tout ça, enfin voilà, c'est tout le black punk de Darkthrone extrapolé au maximum jusqu'à y intégrer à mort d'éléments hardcore 10 bits avec des petits solis hyper heavy par dessus. Et bah, ce nouvel EP met un petit peu de côté ce côté Darkthrone pour nous apporter un peu plus de crust 10 bits de hardcore avec un chant encore plus haineux. Vraiment primitif, et toujours par contre cette guitare ultra heavy rock, et enfin au niveau des leads et des solos, hein, c'est plutôt extra. Un visuel, je pense qu'il y a moyen d'en causer un peu. Et voilà, donc ce nouvel EP s'intitule Hate Remains, et Cavalerie, on les a vus en vrai en septembre. Ouais, c'est bah allez les voir en concert, vous verrez. C'est super cool. Il y a cette espèce de mélange, ouais, comme tu dis, du Darkthrone avec t'as ce côté punk de Darkthrone forcément qui ressort, côté black, et puis ce côté hardcore où ça danse, quoi. C'était ouf. Et puis bah pour nous c'était un peu la reprise des concerts, parce que je crois que c'était vraiment le premier qu'on faisait post à grande échelle. Ouais. Post pré-crise. Ouais, c'est moi je bah complètement passé à côté, vraiment la découverte sur scène, quoi. Vraiment, ouais. Aller les voir sur scène, c'était trop bien. Ah oui, c'est encore autre chose. Et du coup une pochette d'album tout en numérique où il y a un cheval qui est en train d'agoniser dans on sait pas trop si c'est des loges ou des bureaux, enfin la pochette c'est complètement le foutoir. La première pochette était beaucoup plus crue, hein, parce qu'on voyait une masse d'armes sanguinolentes posées sur un carrelage blanc. Voilà, en plus c'est une sortie sur le label Deliverance Record, donc voilà, label 100% hardcore, donc voilà, encore une très belle prône pour Cavalerie. Ergolae Somptator, le morceau devient Cavalerie, le titre Face the Rage, en doublette avec Under the Black Flag, puisque c'est très court Cavalerie. We'll be right back. 21h33, la pendule de Radio Béton. On est toujours dans l'aspect française et du coup on va parler un petit peu du concert de hier soir auquel nous sommes rendus bras dessus bras dessous presque, puisque donc on en a parlé dans les dernières émissions. Hier soir avait lieu le Winter Rip, hein, l'édition d'hiver du Rip Fest, hein, parce que d'ailleurs la semaine dernière, tant bien que mal, on a pu vous diffuser le petit entretien avec Émile, membre de l'orga et programmateur. Et donc on avait 8 groupes à la salle Maria Callas, donc à la Ville aux Dames, hein, première fois que Riposte s'installait là-bas. Donc gros dispositif, hein, pour bien sûr jongler avec toutes les contraintes. Du monde, beaucoup de personnes, hein, 250 à peu près, et une grosse ambiance tout au long de la soirée. Ouais, ça a pas, bah, devant la scène déjà, ça a pas arrêté de brasser pendant tous les concerts. Moi, je suis arrivé au deuxième groupe. Bon, c'était un peu plus tranquille sur le deuxième groupe, mais dès le troisième, c'était parti. Moi, quand je suis arrivé, ouais, ça bougeait bien. Il y avait du monde. Globalement, le lieu était bien pensé. C'est voilà, nous on bien aménagé, bien organisé. Ouais, nous on connaît un peu la salle. Ils ont pris des bonnes décisions par rapport à la jauge qu'ils attendaient et tout. Donc c'était nickel. Ça sonnait pas creux parce que la salle est grande. C'est quoi, c'est 400 la jauge, un truc comme 700. Ça 700, ouais. Donc c'est là, on était, ouais, 250, tu disais. Mais du coup, c'était bien pensé, ça sonnait pas creux du tout, c'était vraiment cool. Exactement. Et encore une fois, un riposte qui enchaîne les annulations. Donc, 4 annulations entre l'édition de Braz et ce qu'on a eu hier soir, dont la place maudite, hein, parce que, pour rappel, d'abord, on devait avoir Self-Esteem, remplacé par Caligula, remplacé au pied levé par Uppercult, groupe de Beatdown qui nous venait de 3. Et, pour rappel, la tête d'affiche, initialement Within Destruction, remplacée il y a une paire de semaines par Punish Yourself. Donc, une affiche un peu remaniée qui reste à peu près quand même dans l'esprit initial voulu par Riposte. Centipede donc qui a ouvert, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Disruptor, très bonne découverte live me concernant, parce que c'est vrai que le post-metal, particulièrement instrumental, c'est pas quelque chose qui m'accroche de base, mais là c'était vraiment très très bien fait. Et je tiens encore à préciser que Johan, le batteur, complètement possédé derrière son kit. Donc voilà, bonne ambiance visuelle. Uppercult ensuite, que j'attendais, bah, j'étais bien content de voir se rajouter à l'affiche de manière inopinée. Groupe de hardcore beatdown qui nous vient donc de 3, on a parlé de leur EP un peu plus tôt dans l'année, New Real Violence, parce que bah, il m'avait bien marqué les tympans, et ça fait complètement le taf sur scène. Ensuite, Entertain the Terror, les vétérans du hardcore rennais, des putains de sourires, une positive attitude. Ouais, mais comme tu dis, mais pour le coup, ouais, cette espèce d'énergie, juste ils étaient heureux d'être là. Ça faisait hyper plaisir, et le grand contagieux. Sourire, c'était vraiment chouette. Il y avait vraiment une énergie qui se dégageait du truc, c'était vraiment cool. Entre deux coups de coude dans la mâchoire, c'était Entertainment, etc. vraiment super cool. On a eu la blague des Belges de Clench Your Fist qui se demandaient un peu, et nous avec, ce qu'ils foutaient sur scène en fait. Ouais, bon, je suis pas trop déblatéré dessus, mais c'était C'est du beatdown belge. Déçu, parce que je les attendais. Mais ouais, voilà, c'est ça. Enfin, les mecs étaient pas du tout raccord, c'était complètement en roue libre. Bon, c'était rigolo, ça brassait devant la scène, mais sans plus. Teething, venu à 3 alors qu'ils sont 4 initialement, donc le bassiste était absent. Et c'est pas grave. Heureusement en fait. Qu'ils étaient que 3. Incroyable. Un rouleau compresseur, un mur de son et de violence dans les gencives, bah, pour la troisième fois que Riposte programme Teething. Et clairement le groupe qui a brassé le plus de monde et la plus folle ambiance tout au long de leur set. Ouais, brassé, c'est le mot. C'était vraiment brassé, ouais. Un mixeur qui a été plongé dans la fosse, c'était n'importe quoi pendant 40 minutes. Et Punish Yourself, donc, pour clôturer la soirée. Bon, j'ai regardé que d'un œil distrait, parce que c'est pas du tout ma cam. Mais voilà, pour faire comme le font les vrais reporters, le public était là et ne s'y est pas trompé. Une soirée plutôt positive pour Riposte. On en a vraiment généreusement profité parce qu'on ne sait pas quand est-ce que pourra avoir lieu la prochaine soirée du genre, ou même une soirée à plus petite échelle, hein. C'est clairement mal barré encore une fois pour les semaines à venir. Et on en arrive à une auto-entrevue très rapide pour le groupe dont on n'a pas encore parlé, Scumbags, donc le groupe de Tours, qui faisait au passage sa release party pour son nouvel EP. Et ouais, parce qu'il se trouve qu'on a la chance d'avoir le chanteur du groupe dans nos locaux. Ah bon ? Donc voilà, bah, c'était avoir déjà toi un petit peu ton ressenti parce que vous avez joué hier. Moi, de mon point de vue, je t'ai dit à peu près tout ce que j'en avais pensé. Hein, c'était vraiment oui, mais chouette. Le peuple veut l'entendre. Voilà, et ben, c'était vraiment chouette de vous voir. Grosse progression, moi, de mon point de vue, par rapport à votre EP précédent. Là, vous nous avez sorti un EP, donc ça fait quoi ? Ça fait un mois qu'il est sorti à peine ? Ah non, il est sorti il y a une semaine. Ouais. Oui, l'album est sorti il y a une semaine. Voilà. Vous avez posté des morceaux un peu avant. The Purge, du coup. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet album ? Oh, je suis gêné. J'ai pas l'habitude. Donc, ce nouvel EP de Scum, comme on l'a déjà pas mal évoqué, hein, c'est des compos qui datent du deuxième semestre 2019, avant que la merde nous déluge sur le coin de la gueule. Donc, un enregistrement qui a pris énormément de temps, hein, plus d'un an. Entre les premières et les dernières prises son, hein, puisque la batterie a été pré-produite en octobre 2020. Oui, c'est vrai, je dis pas de conneries. Et on l'a clôturé là au mois de mai, au niveau des parties vocales. 5 titres, donc effectivement, grosse évolution par rapport au précédent EP, puisque il y a une vraie, on va dire, direction artistique. Donc là, c'est musicalement, qu'est-ce qu'on retrouve ? Une grosse inspiration Death Old School, alors aussi bien du Death Ricain, moi qui suis particulièrement friand de ce que peut nous proposer Cannibal Corpse ou Obituary, avec du vieux Death suédois à la sauce Entomb, et en même temps on a un guitariste qui raffole du black metal, donc on retrouve beaucoup beaucoup d'ambiances sombres et des rythmes très, très influencés black. On a une guitariste elle qui vient plutôt de la scène moderne, donc qui va venir nous apporter un petit peu de clarté avec des leads assez sentis, d'inspiration deathcore, donc un peu plus moderne, mais qui se marie plutôt bien dans l'ensemble, et un batteur qui a pris un putain de niveau en quelques temps, qui martèle ses fûts comme jamais, et lui on lui dit tape, et il dit ok je tape, et voilà, donc il a vachement développé son jeu, et moi-même au micro qui ai beaucoup beaucoup travaillé ces derniers mois, pour arriver à un mix musical, comme j'aime à le dire, parce que je trouve ça très rigolo, ça veut tout rien dire, très proto-slam dans le style, puisque voilà, d'influence Death Old School, slam de différentes écoles, avec un petit relent black par-dessus, et voilà, c'est au niveau du métissage entre le slam et le hardcore, où le brouillard se fait, parce qu'on est entre de la slam part et du break dans ce qu'on propose. Voilà, donc 5 titres, c'est pareil, pas mal d'évolution dans les ambiances, et le titre qu'on va pouvoir s'écouter tout de suite en est la preuve, puisqu'on a deux salles, deux ambiances tout au long de ce morceau. Donc Dethrone a Rat's King, c'est le troisième titre de ce nouvel EP, et puis après je parle très brièvement de ce qu'on a mis dans cet EP en termes d'inspiration. Merci. We'll be right back. voilà, donc ce titre, c'est un petit peu la représentation globale de ce nouvel EP qu'on vient de sortir avec Scumbags. Puisque, voilà, je dirais pas que c'est un concept EP, mais on a laissé vraiment le côté gore, dégueulasse, bête et méchant, et on est parti sur quelque chose de beaucoup plus global. Donc, au niveau, moi, des lyrics, c'est la violence, mais la violence sous toutes ses coutures. Donc, la violence symbolique, la violence institutionnelle, la violence physique, la violence mentale, tout ce qui va être du harcèlement, mais sous toutes ses formes, sous toutes ses origines et sous toute forme d'oppression et de victime. Et croyez-moi, le thème est ultra riche, malheureusement, heureusement pour nous artistes et malheureusement pour les personnes qui le subissent. Et donc, The Purge, au niveau du titre, c'est forcément inspiré de ce grandiose film qui est American Nightmare. Je parle du premier, les autres valent pas la peine. Où c'est en fait, on purge toute une civilisation. Donc, est-ce que ce serait pas une forme de solution? Je trouvais peut-être parler un petit peu du visuel, parce que vous avez eu un travail assez dingue c'est sur le visuel. On a fait un petit effort ce coup-ci. Ouais. Il tranche quand même beaucoup. Déjà, je t'arrête sur un truc. Tu dis j'ai bossé les paroles, tout ça. Faut déjà signaler que tu as des paroles. Oui, complètement, en fait. C'est déjà bien. C'est déjà une belle progression. Alors moi, j'aime bien les titres de morceaux en triptyque. Hein. On a Powers Grow Voracity, Insidious Cerebral Disease, Dethrone Rat King, Among Screened Crops et Conquered by Vermin. Et puis franchement, quand on annonce les titres sur scène, découpé en trois, ça me fait systématiquement penser à Corpse Grinder quand il annonce Hammer Smash It Face avant de lancer le morceau. Enfin, je trouve que c'est juste mortellement efficace. Et donc les titres de nos morceaux sont en triptyque. Et effectivement, le visuel, on reste encore dans du local, parce que j'ai tout simplement fait appel à ma belle-sœur Axel, qui est une artiste tatoueuse et illustratrice plus sur Tours. Sur tous les réseaux, vous pouvez la retrouver sous le patronyme de Héron. Et effectivement, dans le slam, on retrouve beaucoup de monstres sanguinolents, de corps mutilés, répandus un peu partout sur les murs. Et j'avais vraiment une volonté de trancher avec ça. Il y a une scène sur laquelle je me suis vraiment penché ces 24 derniers mois, c'est la scène Heavy Speed, True Heavy, Revival, etc. Et on a beaucoup d'artwork à base de gravures. Et je dois bien l'avouer, une de mes sources d'inspiration, ça a été Manzer, le groupe de Poitiers qui a des visuels que je trouve vraiment super cool, et ça tranche. Et comme on a aussi pu le dire en interview, en fait, à l'heure du tout dématérialisé, du streaming, etc., donc on va clairement pas se mentir, enfin pour nous c'est un support super important, on s'est dit qu'on allait consacrer un effort, une attention particulière sur le produit fini, la version physique, que ce soit vraiment une petite pièce. Voilà, on en a pressé 50 exemplaires, mais voilà, on veut vraiment que chaque exemplaire soit un bel objet qu'on apprécie d'avoir dans sa collection. Et personnellement, j'apprécie de l'avoir dans ma collection. Est-ce que tu apprécies de l'avoir dans ta collection ? Oui, clairement. Et puis, c'est vrai que le travail d'Axel, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait de manière générale. Et là le rendu, elle est sortie malgré tout quand même un petit peu de sa zone de confort, que ça soit sur les traits, la façon de dessiner et tout, et même au niveau de la thématique, qui n'est pas fondamentalement dans son délire. Mais ça fonctionne super bien et il y a un côté très cru dans ce qu'elle a fait. Exactement. C'est très froid et en fait, elle a parfaitement répondu à mes attentes et ma commande, qui était de base assez maladroite, forcément, quand on n'a pas les codes. Et elle a parfaitement répondu à mon souhait et à ma commande. Non, en tout cas, bravo à elle. Et puis, encore une fois, bravo à vous, parce que c'est une belle sortie encore. Et puis, un travail enfin abouti après ces longs mois d'attente. Pour pouvoir le sortir. C'est clair, donc on en a vraiment profité à 200% hier soir, merci beaucoup. Allez, je change de casquette, retour à quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. Inherit the Void et Epextase pour clôturer l'aspect française de ce soir. Inherit the Void, c'est de l'atmo black, ça nous vient de Clermont-Ferrand. Monolith of Light, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Un visuel glacial et assez magnifique. 40 minutes de musique et dans la foulée Epectase, on est également sur une inspiration assez similaire, hein, ça nous vient de région parisienne. Au niveau du line-up, on retrouve un membre qui est passé par Acedia Mundi, par plus récemment Phil Skult, et Os Galeat également, pardon. Voilà, au niveau du style, on est sur du une forte inspiration Bloodhouse Mord, où voilà, le black se mélange à plein d'autres choses extrêmement riches. Ce nouvel extrait, donc Vitriol, vous allez voir, est presque démuni d'éléments black metal. On est vraiment plus sur les ambiances avec tout un tempo très soutenu. Voilà, Epextase, Vitriol, et avant ça, Inheris the Void avec le titre Unfathomable Echoes. C'est parti. We'll be right back. Lost with clouded vision. Just surviving but not existing. Something calls my soul, a secret truth, a divine black land. There is a thing buried deep within myself. Feeling like mercury. I observe the sky, the mountains on what lurks below. A dragon old like time is waiting to die. In his eye the fire of conscience burns high. I have to find in me the matter unlearned from God's creation. At last I will find myself.